toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, alors je vais reparler du CETA, parce que ce fameux libre-échange de CETA, nous n'avons rien à y gagner. Et je vais commenter un article de Que Choisir à ce propos, parce qu'il me semble assez complet quant aux enjeux de ce fameux CETA. Le traité de libre-échange avec le Canada était censé servir de modèle à d'autres accords, en projet comme le Mercosur. Au vu de ses nombreuses failles, il fait plutôt figure d'exemple à ne pas suivre. Voilà, donc c'est un article de Fabienne Mélasson dans Que Choisir. L'été était émaillé de manifestations d'agriculteurs exprimant de façon musclée leur refus du CETA. La ratification de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a été approuvée le 23 juillet par l'Assemblée nationale avec 266 voix pour, 213 contre et 74 abstentions. Un résultat serré. Contrairement à leur habitude, plusieurs députés de La République En Marche ont osé s'opposer au texte, comme la très grande majorité des élus des autres partis. Cette contestation résolue ne fait que refléter le projet d'une grande partie de la société civile. Le rejet, pardon, d'une grande partie de la société civile. Ainsi, début juillet, pas moins de 72 organisations, associations de consommateurs, dont l'UFC Que Choisir, syndicats agricoles et de salariés, associations environnementales ou défendant la justice sociale, s'étaient unis au-delà de leurs divergences sur d'autres dossiers pour renvoyer à chaque député un courrier commun exprimant leur inquiétude. Le CETA est le premier des accords de libre-échange dit de nouvelle génération. Ces traités ne se contentent plus d'abaisser les barrières tarifaires, droits de douane, mais cherchent à faire tomber les barrières non tarifaires. Les règles qui encadrent la libre circulation des marchandises, comme les normes, les quotas. Si ces dernières sont contraignantes pour les professionnels, elles protègent souvent les consommateurs et l'environnement. De fait, leur remise en cause comporte un risque évident de nivellement par le bas. Sans même attendre ces rapprochements entre réglementations européennes et canadiennes qui seront négociées au fil de l'eau, le CETA ouvre grand nos frontières à des denrées produites selon un modèle et des exigences bien différentes de ceux en vigueur dans l'UE. L'exemple de la viande bovine est édifiant. Le Canada s'est orienté vers un mode d'élevage industriel. Il abrite 240 usines à viande, appelées parcs d'engraissement, en première ligne pour l'exportation. Celles-ci regroupent en moyenne 575 bêtes. Un grand nombre en accueille même plusieurs milliers. Les vaches n'y broutent pas de l'herbe, mais sont nourries avec des fourrages composés, notamment de trois ingrédients interdits dans les élevages européens. Hormones, farine animale et antibiotiques en guise d'activateurs de croissance. Plutôt que de s'astreindre à maîtriser les règles sanitaires en élevage, on décontamine les carcasses par des solutions antimicrobiennes ou l'ionisation. Le bien-être animal n'est encadré par aucune loi spécifique. Parmi toutes ces caractéristiques, seule l'utilisation d'hormones de croissance a fait tiquer les négociateurs européens. Les animaux qui en ont absorbé le sauront si les contrôleurs sont stricts, pas admis dans l'Union. Pas étonnant que les agriculteurs, confrontés à cette concurrence déloyale, aient du mal à avaler la pilule. Au-delà de cet exemple de la viande bovine, les modèles qui prévalent au Canada, mais aussi au Brésil, concernés par l'accord en projet avec le Mercosur, ne sont pas ceux que les consommateurs et citoyens français appellent de leurs vœux, aussi bien en termes de qualité des produits que de protection de l'environnement. Sur ce point, le Canada se situe loin derrière les États-Unis ou l'Union européenne en ce qui concerne les lois et politiques environnementales, qu'il s'agisse de la qualité de l'eau et de l'air, des pesticides et des substances toxiques, du changement climatique ou de la biodiversité. C'est ce qu'avaient souligné en 2017 les experts de la commission Schubert, mandatée par Emmanuel Macron. Une promesse de l'entre-deux-tours de la présidentielle pour rendre un rapport sur le CETA. Pas surprenant dès lors qu'en signant avec ce partenaire, on parvienne à un accord dans lequel le grand absent, c'est le climat, selon les propos de ces mêmes experts. Alors pourquoi signer, vous dira-t-on. Et puis il y a des risques de conflits d'intérêts. Habitués à voir les coudées franches en matière environnementale, les investisseurs canadiens pourraient tenter de remettre en cause les exigences posées par les États européens en la matière. Or, l'accord a prévu un tribunal spécial pour tous les différends entre investisseurs et États, comme si les juges nationaux n'étaient pas aptes à les trancher. On ignore encore qui sera nommé pour tenir lieu d'arbitre. On peut supposer que ce seront de hauts fonctionnaires, d'anciens magistrats ou des avocats d'affaires spécialistes de ces questions, avec pour ces derniers un passé et, le cas échéant, un avenir au service des entreprises. Le risque de conflit d'intérêts est évident. Autre problème, les procédures devant ce type d'instance sont extrêmement coûteuses. Rémunération des arbitres, frais d'avocat et les amendes éventuellement infligées aux États très élevées. Ce tribunal ne sera pas forcément favorable aux investisseurs. Mais le simple fait de leur donner la possibilité d'attaquer une mesure, par exemple en matière de sécurité sanitaire ou de protection de l'environnement, peut dissuader les États de légiférer. Analyse Sabrina Robert Cuande, professeur de droit public à l'Université du Mans. Et puis, les négociations qui sont menées sont plus ou moins secrètes. Au-delà du contenu, ce sont également les circonstances ayant présidé à la naissance de cet accord qui font grincer des dents. D'abord, il a été négocié des années durant, dans le plus grand secret, par des hauts fonctionnaires. Ensuite, alors que les parlements des 28 États européens devaient le ratifier, le traité est entré en vigueur de façon provisoire. Sauf la partie concernant le tribunal d'arbitrage, sans même attendre l'avis des représentants du peuple. En France, la commission Schubert, mandatée par Emmanuel Macron, a prêché dans le désert. Malgré les nombreuses réserves exprimées par ses experts, leurs recommandations sont restées lettres mortes, notamment celles portant sur la participation de la société civile au forum de coopération réglementaire, où sont discutées les évolutions de la réglementation et sur la transparence des débats de cette instance. Loin des yeux des défenseurs, des consommateurs et de l'environnement, on constate déjà, comme le souligne Mathilde Dupré, co-directrice de l'Institut Veblen, un processus sur la transition écologique. Des assauts répétés du Canada pour éviter l'interdiction du glyphosate et obtenir que les limites maximales de résidus pour d'autres pesticides soient revues à la hausse. Désormais, les espoirs des anti-CETA reposent moins sur le Sénat, il doit se prononcer prochainement, mais l'Assemblée nationale aura le dernier mot, que sur les parlements des autres États membres de l'Union européenne, que l'un d'eux refuse de le ratifier et le traité s'éteindrait. On ne peut écarter que des parlementaires ouvrent les yeux sur les failles d'un texte dont l'impact sur l'économie et l'emploi est controversé, dont les conséquences environnementales sont ignorées, les avantages éventuels pour le consommateur européen douteux, et où ne figurent même pas les mots « consommateur » ou « citoyen ». Voilà, on est vraiment en face d'un traité purement économique, voulu en particulier par le staff de Macron, et qui en au détriment des consommateurs et puis bien sûr des agriculteurs français. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.